الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nous commençons le sixième cours, inshallah, de l'explication du livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, parmi les trésors du Saint-Coran, du Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad, Hafizahullah ta'ala. Donc la dernière fois, on s'était arrêté à l'explication du verset 23 de Sourate al-Baqarah. Et en fait, le Cheikh avait mis en évidence, à travers bien sûr ce verset, le défi qu'Allah Azzawajal a lancé à toute l'humanité, que ce soit l'humanité, c'est-à-dire les humains, ou que ce soit aussi les djinns. Donc c'est un défi qui jusqu'à nos jours personne n'a pu relever et que personne ne pourra relever, comme on va le voir dans le verset suivant, c'est-à-dire dans le verset 24, où Allah Azzawajal va nous mettre en évidence que jamais personne ne pourra relever ce défi. Le Cheikh nous a mis aussi en évidence l'éloquence du Coran et la rhétorique du Coran. Et on avait dit en fait que certaines personnes tentaient de venir avec quelque chose qui serait semblable au Coran. Certaines personnes ont tenté. Et le Cheikh va nous donner un exemple, comme je l'ai dit le cours dernier, d'un chrétien, d'un prêcheur, d'un prédicateur chrétien qui a tenté, bien sûr arabe, qui a tenté en fait de venir avec une sourate qui est en fait un résumé de Sourate Al-Fatiha. Regardez bien cet égarement, qui est soi-disant pour lui un résumé de Sourate Al-Fatiha. On a vu dans les deux premiers cours qu'on a fait, et wallahi, on n'a pas cité toutes les richesses et toutes les fawaïdes que contenait Sourate Al-Fatiha, alors que ça nous a pris pratiquement deux cours. On n'a pas cité tout, il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais bien sûr le Cheikh en fait il a la minbab al-ikhtisar, c'est-à-dire que c'est à titre de résumé l'explication qu'il a fait de Sourate Al-Fatiha, et le Cheikh a tiré certains trésors, ou a mis en évidence certains trésors, et donc on s'en est tenu à cela. Sinon, bien sûr, on aurait pu encore expliquer et mettre en évidence encore plus de choses et de trésors qui sont en relation avec cette grande sourate qui est Sourate Al-Fatiha, min a'zam Sourate Al-Qur'an, qui est la plus grande des sourates du Qur'an. Adad-Dal s'est égaré, il a prétendu avoir fait un résumé de Sourate Al-Fatiha. Et en fait, on va voir comment une personne, en fait, peut s'égarer en essayant de faire cela. C'est-à-dire être la risée de tout le monde. Tout simplement parce qu'on va voir de la façon où il a soi-disant résumé cette sourate. Et le Cheikh, rahimallah, il a rapporté bien sûr cela d'un des chouurs qui s'appelle Mohamed Rachid Reba, dans son tafsir qui s'appelle Tafsir al-Manar. Et donc le Cheikh il a fait un rad, c'est-à-dire il a fait une réfutation de cette soi-disant tentative de résumer de Sourate Al-Fatiha, ou de cette soi-disant tentative de relever ce défi. Donc tout simplement, à travers cela, bien au contraire, on va à travers cette réfutation, ça va nous permettre de rappeler certains trésors que contient cette Sourate Al-Fatiha, et pourquoi en fait chaque mot dans le Coran, que ce soit fait Sourate Al-Fatiha ou dans toutes les sourates, pourquoi chaque mot on leur place, et que chaque mot, si on enlève simplement un mot du Coran, alors c'est tout, c'est en fait tout un verset ou toute une sourate bien sûr qui ne va plus être dans son style complet, c'est-à-dire qu'il aura bien sûr ce qu'on appelle un khilal, c'est-à-dire que chaque mot du Coran il a sa place, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, chaque mot qu'il a placé dans le Coran, il a sa place bien précise, et qu'on ne peut enlever un seul mot du Coran. Et si on a tenté d'enlever simplement un seul mot du Coran, alors on changerait la signification, ou on enlèverait bien sûr une des significations qu'a voulu Allah Azzawajal de par le placement de chaque mot, je dis bien de chaque mot dans le Coran. Donc à partir de là, le Cheikh va nous rappeler la tentative de cet escroc qui fait partie bien sûr d'une association de ce qu'on appelle le Tabshir, en fait qui font la da'wa, qui font le prêche pour la religion chrétienne, et qui est en fait une jamaïat, c'est-à-dire une association anglaise et américaine. Qu'est-ce qu'il a dit cette personne-là, et comment il a tenté de faire ce résumé? Yaqul alhamdulillahi rahman. Il a dit cela dans un premier temps, alhamdulillahi rahman. Bien sûr, lui, il voit dans sa muqaddima, il voit bien sûr que les versets de Sourate Al-Fatiha, il y a en fait un tikrar, c'est-à-dire qu'il y a répétition des mots, qu'il y a des choses qui sont dites pour rien dire. C'est ça qu'il dit, subhanallah, hadha al-dhal, hadha al-kafir, ce mécréant. Il dit alhamdulillahi ar-rahman fa hadafa ismul jalala, il a enlevé en fait le nom d'Allah. Bien sûr, fi Sourate Al-Fatiha, alhamdulillah, alhamdulillah, et on a vu ma'ana Allah, et on a vu en fait la place qu'avait le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux autres noms, et qu'il était toujours placé en début, et que les autres noms en fait le suivaient. Pourquoi? Parce que tout simplement Allah azawajal, ce nom comprend tous les autres, ou la signification de tous les autres noms. Et lui, bien sûr, en ne sachant pas cette signification qui est très précise au niveau du Coran, il a tout simplement enlevé le terme Allah pour dire Alhamdulillah Ar-Rahman, c'est-à-dire qu'il a repris le nom Ar-Rahman. Et on voit ici qu'il a repris les mots du Coran, mais simplement il a fait Alhamdulillah Ar-Rahman. Et on a vu aussi que dans le nom Allah, Lillah, lorsqu'on avait expliqué ça, donc on revient tout simplement à l'explication de Sourate Al-Fatiha. Lorsqu'on dit Lillah, on avait dit Huna Kallam l'Istirqaq, ou le nom Allah Azawajal était repris et était en fait ce qui était contenu dans La ilaha illallah, c'est-à-dire la signification de il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration sinon Allah. Alhamdulillah Rahman. Et ensuite il est directement passé Rabbil Akwan, c'est-à-dire qu'il a enlevé Hadafa, c'est-à-dire qu'il a enlevé le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est-à-dire qu'après il dit Rabbil Akwan, c'est-à-dire remplacement de Rabbil Alamin, et ensuite il va enlever Ar-Rahman Ar-Rahim, comme on va le voir. Donc il dit Alhamdulillahi Ar-Rahman Rabbil Akwan. Donc on voit ensuite qu'il reprend le terme Rabb, il n'a rien inventé ici, il a repris le terme Rabb, Rabbil Akwan, c'est-à-dire qu'ici il a tout simplement changé le terme Al-Alamin par Al-Akwan, c'est-à-dire Al-Akwan qui est bien sûr le pluriel de Al-Kawn, et qui est en fait Al-Kawn, qui est en fait l'univers, qui est ce qu'on traduit par l'univers. Et ici on voit encore Jahlou, c'est-à-dire son ignorance, c'est qu'en fait Rabbil Alamin, dans le terme Al-Alamin, lorsqu'on dit Seigneur, bien sûr ici Isbat Ar-Rububiyya, c'est-à-dire l'affirmation de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'unicité d'Allah dans sa souveraineté, et qu'il est le souverain de toutes choses, Rabbul Alamin. Et lorsqu'on dit bien sûr toutes choses, que ce soit par rapport à Al-Mekan ou Al-Zaman, par rapport à Al-Mekan ou Al-Zaman, par rapport, il est le souverain en tout lieu et en tout temps. En tout lieu et en tout temps. Et c'est ce que traduit en fait le terme Al-Alamin, contrairement au terme Al-Akwan. Le terme Al-Akwan, qui est le pluriel de Kone et qui est le terme univers, mais ce terme-là, Al-Akwan, au niveau bien sûr de la langue arabe, parce qu'il faut revenir ici pour l'explication à la langue arabe, même si on fait une traduction, on pourrait peut-être traduire le terme pareil, mais après il y a ici Dirqat al-Lughat al-Arabiyya, c'est-à-dire la précision de la langue arabe, et qu'Allah Azzawajal a choisi cette langue-là, il n'a pas choisi une autre langue pour descendre son Coran. Il a choisi cette langue-là, une langue arabe très claire. Et en fait le terme al-Akwan, au niveau de la langue arabe, qui est bien sûr pluriel de Kone, comme je l'aurais dit, c'est tout simplement en fait, ça va refléter tout simplement El Mekan ou Al Zaman, c'est-à-dire tout simplement le lieu et non Al Zaman, qui est en fait le temps. Et comment on sait en fait que le terme Al Alamin, non seulement il traduit le lieu, et il traduit aussi le temps, en se référant tout simplement à un verset du Coran, ou à des versets du Coran. Le verset qui nous prouve que le terme Al Alamin, Allah Azzawajal l'a utilisé parce qu'il traduit en fait Zaman et Mekan, c'est-à-dire il traduit le lieu et il traduit aussi le temps. C'est dans le verset suivant. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Donc la traduction au sens du verset, c'est ce que le Seigneur de l'univers. Donc on voit ici au début. قال فرعون, c'est Pharaon qui parle. قال فرعون وما رب العالمين. Qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Donc ici le terme رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما. c'est-à-dire le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux. Ici, Al-Mekan, c'est-à-dire le lieu. Ici, le lieu. C'est le lieu. C'est traduit en fait, il traduit en fait le lieu. Rabbu as-samawati wal-ard, qui est le lieu, bien sûr. Et ensuite, Naam, dit Moïse, c'est-à-dire Moïse, si seulement vous pouviez être en être convaincu. C'est-à-dire que c'est Moïse qui a répondu, bien sûr, à Pharaon. Ensuite, Pharaon de dire, dit à ceux qui l'entourent, n'entendez-vous pas. Et ensuite, Moïse qui, bien sûr, continue, voit votre Seigneur et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous est envoyé est un fou, a été envoyé est un fou. Ensuite, Moïse de rajouter le Seigneur du levant et du couchant, ici, Adawa Shahid. Le Seigneur du levant et du couchant, ici, Azaman. Ici, Azaman. Le Seigneur du levant et du couchant. Yani, Qala Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Et avant, au début, il a dit Qala Rabbul Samawati wal Ardi wa ma baynahuma. Donc, on voit ici que le terme Alamin va refléter non seulement. Qu'est-ce qu'il va refléter? Il va refléter dans un premier temps le lieu et il va refléter dans un deuxième temps. Comme c'est ici mis en évidence dans ce verset également, Az-Zaman, qui est en fait le temps. Contrairement au terme Al-Aqwan, qui reflète tout simplement Al-Mekan. Donc on voit ici, subhanallah, on voit en fait encore l'éloquence du Coran et on voit en fait le Mu'jiza, c'est-à-dire le miracle dans le choix de chaque mot et que chaque mot a une précision à sa précision. Imam. Ensuite, bien sûr, il a ensuite hadafa, c'est-à-dire qu'il a enlevé, il a supprimé le verset Ar-Rahman Ar-Rahim. Et on a vu d'où l'importance de la citation de ces deux noms, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et on a expliqué de façon précise quelle était la différence entre ces deux noms. Et que chaque nom, en fait, avait une signification bien précise qui était différente par rapport à l'autre, mais qui se rejoignait bien sûr sur un point commun et qui était bien sûr le fait que l'on prenait de ces deux mots et que l'on extrait de ces deux mots la miséricorde, mais une miséricorde bien sûr qui ne va pas être la même pour chaque. Et lorsque bien sûr il a hadafa, c'est-à-dire qu'il a enlevé Ar-Rahim, on a vu que Ar-Rahim c'était bien sûr celui qui était miséricordieux ou le tout miséricordieux, et que cette miséricorde, elle était pour qui? Elle était pour les croyants. Et non pour les mécréants comme cette personne-là, comme ce kafir. Quelle était bien sûr cette miséricorde pour qui? Pour les mécréants. Donc lui, il a enlevé le terme Ar-Rahim. Il a laissé le terme Ar-Rahman. Ar-Rahman, on a vu ici que bien sûr, Ar-Rahman, c'était le très miséricordieux, et que cette miséricorde englobait également le kafir, le mécréant, comme il englobait aussi le croyant. Et donc là, on voit encore la grande erreur d'avoir enlevé ce nom. Ensuite, il dit Al-Malik ad-Dayyan. Et donc ici, bien sûr, pour remplacer, il est revenu encore avec le terme Al-Malik. Il n'a rien inventé. Et ensuite, Al-Malik ad-Dayyan. Ad-Dayyan, qui est bien sûr un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama thabata fi sunnati as-sahiha. Comme cela est précisé dans la sunna authentique du prophète sallam fi hadith, lorsque bien sûr Allah azawajal va rassembler les gens et que tout le monde entendra celui qui est loin et que celui qui est près l'entendra et qu'il dira ana al-malik ad-dayyan. Ad-dayyan bi ma'na al-qahhar. Ma'na al-qahhar, c'est-à-dire le dominant. Ce qu'on traduit, on peut traduire en fait al-dayyan par le dominant et qui vient du terme bien sûr dana, qui vient du terme dana. Et le terme dana, qui est le verbe, et veut dire dhalla, c'est-à-dire la personne qui va s'humilier. Donc on s'humilie devant Allah Azzawajal, parce qu'on sait qu'il est Ad-Dayyan, Al-Malik Ad-Dayyan. Donc il a remplacé tout simplement par ce nom, qui est un des noms, bien sûr, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, ici, il ne va pas traduire de par là le verset coranique, Maliki Yawm Ad-Din. Et on avait vu pourquoi Allah Azzawajal, ici, tout simplement, il va citer. Ici, dans ce verset Maliki, Yawm Ad-Din, qui va citer ce grand jour, le jour du jugement. Et le jour, en fait, Yawm Ad-Din, qui est Yawm Al-Hisab, le jour de la rétribution, et qui avait un grand jour. Et c'est pour ça que ce grand jour, qui est une des grandes bases de la croyance du musulman, il est cité, Fiyali Surat. Et lui, en fait, Al-Jahid, il l'a enlevé. Et la deuxième chose, lorsqu'Allah Azzawajal qala Maliki Yawm Ad-Din, c'est qu'en fait, il est bien sûr le maître. Ici, le maître du jour de la rétribution. Et la question qui se posera, c'est est-ce qu'il est le maître, Allah Azzawajal, de cette dunya également, vu qu'il a simplement cité ici, Subhanahu wa ta'ala, Maliki Yawm Ad-Din. Bien sûr, wa Malik Ad-Dunya, wa Malik Ad-Din. Malik al-Dunya ou Malik al-Din, c'est-à-dire qu'il est le souverain, il est le maître de cette vie d'ici-bas, de cette vie de l'au-delà. Tout simplement, Allah Azza wa Jalla a précisé Malik al-Din, al-Hikmatu fi dhalik, c'est qu'en fait, le jour du jugement, plus personne ne pourra faire apparaître en fait la soi-disant royauté qu'il croyait, ou disons la royauté, ou al-Mulk, la royauté qu'il croyait, que cette royauté est absolue par rapport aux gens, et comme on l'a expliqué. C'est-à-dire que ce jour-là, personne ne pourra même parler, sauf avec l'autorisation d'Allah Azza wa Jalla. Et que, par contre, khilaf, c'est-à-dire au contraire de cette vie d'ici-bas, non, ce qui est contraire à la vie d'ici-bas, dans cette vie d'ici-bas, certaines personnes se croivent, comme c'était le cas de Pharaon et tous ceux qui l'ont suivi dans sa prétention, ceux qui sont cru en fait les maîtres dans cette vie d'ici-bas, qu'ils ont cru qu'ils avaient en fait la royauté absolue. Et ça, on le voit, les gens l'ont cru pour certaines personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu dans cette dunya. Mais par contre, fil akhira, cela ne pourrait apparaître. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla qala maliki yawm al-din et qu'il a précisé khassasa hadha al-yawm yawm al-din wa annahu al-malik fi hadha al-yawm kama huwa malik fi ad-dunya lakin malik fi hadha al-yawm, parce que sa royauté va apparaître de façon apparente pour tout le monde, que ça sera clair pour tout le monde et que plus personne ne pourra ignorer cela ou ne feinter d'ignorer cette royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lui, tout simplement en disant Malik al-Dayyan, il a tout simplement enlevé un des grands versets du Coran et une des grandes significations que l'on a trouvées dans cette sourate. Et en venant tout simplement avec deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit Lakal ibadati wa bika al-musta'an. Lakal ibada wa bika al-musta'an. Et bien sûr, il a voulu par là Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Lakal ibada wa bika al-musta'an. On va voir. On voit en fait que les termes, il les reprend exactement en fait comme le verset du Coran. On voit en fait qu'il les reprend exactement comme les versets du Coran. Et bien sûr, ici, lui, il va tout simplement enlever quelque chose. C'est-à-dire qu'ici, on avait jusqu'à Lakal ibada, ou Iyaka na'budu, arfouan, dans le verset du Coran, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. On avait vu ici qu'il y a en fait la fin dans ce verset de la citation des droits d'Allah et le début de la citation des droits de qui ? Des droits de l'être envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'à un moment là il va demander son droit, c'est-à-dire il va demander à Allah azza wa jalla, il va demander, on avait vu la différence entre le verset et la division entre fi haqqillah wa fi haqqil ibad. Et également ensuite il dit ihdina as-sirat al-iman badal ihdina as-sirat al-mustaqim, donc on voit il reprend encore le même terme ihdina as-sirat al-mustaqim, lui il dit ihdina as-sirat al-iman, c'est-à-dire la voie de la foi, l'iman, et tout simplement pour qu'il y ait en fait un accord, hein, pour qu'il y ait un accord au niveau des versets. Comme on a vu, il a dit Dayyan, al-Musta'an, al-Iman. Et ensuite, il a enlevé, c'est-à-dire ensuite qu'il a enlevé le reste de la sourate. C'est-à-dire qu'il s'en est arrêté là. Et lui, il a cru en fait, de par là, qu'il avait en fait résumé la plus grande sourate du Coran. Je regardais un peu cet égarement et comment le shaitan il peut s'amuser avec les personnes. Et comment ils peuvent se mettre devant les gens ridicules. C'est-à-dire que la personne qui a la moindre science file dans l'éloquence du Coran, ou de façon générale, l'éloquence de la langue arabe, la rhétorique, il va s'apercevoir que fi khalal kabir fi hadhihi al-kalimat. C'est-à-dire dans les mots qu'il a choisi lui, et dans le tarkib, c'est-à-dire l'ordre qu'il a placé des mots, on voit en fait qu'il y a un grand khalal, il y a des grands défauts. Et non seulement ihdina sirat al-iman, il l'a remplacé par ici sirat al-iman, au fil asl ihdina sirat al-mustaqim, c'est-à-dire le verset du Coran ihdina sirat al-mustaqim. On a vu la définition d'al-mustaqim et pourquoi ensuite va venir la suite du verset. Donc ici on voit khalal ajib, et en plus de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la fin du verset. Et pourquoi? Et ça on l'a vu, ihdina sirat al-mustaqim sirat al-ladhina an'amta alayhim. Parce qu'à la fin du verset, il y a un verset qui va le gêner lui beaucoup. C'est un chrétien. On a vu que Waladbalin, ça c'était descendu sur les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont égarés. On a vu qu'elle marsoud ici dans le verset du Coran, comme l'a mis en évidence notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques, c'est qu'en fait le marsoud bihi, ce sont les chrétiens qui ont adoré Allah azza wa jalla avec jahl, qui l'ont adoré en fait avec ignorance. Et lui, il l'a en fait enlevé tout simplement parce que ça le gênait qu'on laisse ce verset. Donc, à partir de là, on peut voir que chaque personne qui a essayé de venir ou de relever ce défi s'est tout simplement cassé le nez, comme on dit. Et donc, il est impossible qu'une personne, qu'un être humain, comme on va le voir ensuite, il est impossible qu'un être humain puisse venir en fait avec ce qui est équivalent à une sourate. Ça c'est le défi. On a dit même à un verset du Coran, même à un verset du Coran. On l'a vu ici, dans tous les versets qu'il a apportés, il n'a pas pu en fait égaler l'éloquence et la précision des versets coraniques. Donc on voit que c'est batil, c'est quelque chose de faux, batil. Et le shir lui dit même, en lui faisant une réfutation, c'est-à-dire Mohamed Rachid Darida, il lui dit, si tu avais le fait que tu es, فَإِنَّ اِخْتِسَاسَ الدَّرَارِ السَّبْعَ فِي السَّمَاءِ أَهْوَنُ مِنْ اِخْتِسَارَ آيَةِ الْفَاتِحَ السَّبْعَ فِي الْأَرْضِ. Il lui dit en fait, le fait de résumer, de faire un résumé, ou on va dire de résumer en fait les sept, يَقُولَ الدَّرَارِ مَعْنَا الْكَوَاكِبِ, qui sont les sept planètes qui sont dans les cieux, c'est plus léger que de résumer sept versets du Coran dans cette terre-là. Sept versets du Coran dans cette terre-là. Et la réfutation aussi qui est faite, c'est qu'on lui dise qu'il ferait mieux de résumer ou plutôt de résumer ou de concentrer en fait les trois idoles qu'il adore en un seul Dieu. Les trois idoles qu'il adore en un seul Dieu. Au lieu de résumer, en fait, essayer de résumer, d'avoir concentré un verset ou une sourate du Coran. Qu'il en fait concentre lui l'adoration des divinités, de ces divinités, qu'il les concentre en une seule divinité, comme c'est le cas des musulmans qui n'adorent qu'un seul Dieu ou qu'une seule divinité, subhanallah. Taïb. Ensuite on va passer en fait à la deuxième ou le deuxième passage que le cheikh va expliquer, hafizahullah ta'ala, et c'est en fait le verset 24 et 25, donc c'est à la suite, et il va mettre en évidence encore des trésors qui se trouvent dans le Coran. Donc c'est le verset suivant. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Donc ça c'est le verset 24 et 25 de sourate La Vache. Donc on voit la suite de ce verset, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Donc c'est par rapport bien sûr au défi qui a été lancé. On cite le sens de la traduction approximative des versets. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, diront « C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant, or c'est quelque chose de semblable. Ils auront là des épouses pures et là ils demeureront éternels. » Subhanallah. Ici dans le verset, Allah Azza wa Jalla répond « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا » C'est-à-dire par rapport au défi qui a été lancé, au défi de venir avec en fait une seule sourate. Et on voit dans le terme ici qui est employé, donc en revenant à la langue arabe, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, c'est-à-dire si vous n'y parvenez pas, وَلَنْ تَفْعَلُوا. Donc ici le lan qui est en fait une des particules de négation qui permet en fait dans la langue arabe de venir avec une phrase négative, وَلَنْ تَفْعَلُوا. On voit ici que l'an, et ça c'est connu de la langue arabe, on l'utilise lorsqu'on dit en fait, ou lorsqu'on apporte en fait une négation qui va être définitive, ou une négation en fait qui sera continuelle, Le choix du terme ici est très précis, walan tafalu, c'est-à-dire que vous ne ferez jamais, que vous ne pourrez jamais le faire, que vous ne le ferez jamais, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal Yanfi, c'est-à-dire qu'il réfute et qu'il nie que l'on puisse en fait apporter une sourate semblable de façon, ça ce sera de façon éternelle. Lan wa lan tafalu abadan, c'est-à-dire que jamais vous ne pourrez le faire. Et il faut bien comprendre en fait l'utilisation ici de lan. Lan tafalu. Donc Allah Azza wa Jal yaqul ensuite fattaqun nar allati waqoodaha an-nas wal hijara, c'est-à-dire ce feu qui va être alimenté par qui? Par les hommes et par les pierres. On voit en fait ici, c'est-à-dire C'est-à-dire que non seulement ce feu il va être alimenté par les pierres et il va être également aussi alimenté par les gens. Ayadun billah. Uiddat lil kafirin. C'est-à-dire que cela a été préparé pour les infidèles, pour les kuffars, pour les mécréants, ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru en Allah et ceux qui n'ont pas cru en son prophète. Uiddat lil kafirin. Ici donc on voit, comme le shir va nous le préciser, que ce qu'on appelle ici al-wa'id. Ce qu'on appelle ici al-wa'id, et c'est ce qu'on appelle aussi au niveau de la langue arabe, donc ces deux termes qui reviennent beaucoup, et on va voir en fait que c'est un procédé coranique qui est utilisé ici et qui va revenir souvent dans le Coran, qui est en fait la citation de versets qui sont par rapport à leur sens, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-wa'd ou al-wa'id. والترغيب والترهيب. Donc ici le premier verset, فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. Ici c'est une menace d'Allah Azza wa Jalla qui est faite aux gens, aux mécréants. C'est une menace qui leur est faite. Et c'est une annonce, une mauvaise annonce qui leur est faite ici. Et de leur faire prendre conscience que celui qui ne croit pas en Allah et son prophète, leur destinée sera le feu, qui sera alimenté par ces gens-là. Ça c'est d'un côté, c'est-à-dire pour faire peur. C'est-à-dire pour faire peur aux gens, pour effrayer les gens, pour leur rappeler en fait ce qui va attendre à la personne qui ne suit pas le bon chemin. Et on va voir beaucoup d'exemples par rapport à cela. Je le redis, c'est Al-Wa'id. Al-Wa'id qui va bien sûr avec Al-Tarhib. Al-Wa'id qui est en fait la menace et le fait, Al-Tarhib qui est le fait d'effrayer. Donc Al-Wa'id, Al-Wa'id, c'est ça la menace. Al-Wa'id, c'est ça la menace. C'est ce qu'on appelle en fait la menace au niveau. Donc c'est un terme qui est employé par les savants, et c'est un terme qui va beaucoup revenir dans les livres des savants et notamment dans les speakers qu'ils expliquent les savants, le Coran, Al-Wa'id, Al-Wa'id, donc je répète bien, Al-Wa'id qui est en fait la menace. Et ce qui va avec, ou le terme qui va s'assembler avec lui, c'est At-Tarhib, et qui est l'action de faire peur, d'effrayer les gens, de leur faire prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire, At-Tarhib. Et bien sûr, muqabilada, c'est-à-dire ce qui vient opposer à cela, c'est al-wa'd wa at-targhib. Al-wa'd wa at-targhib. Wal-wa'd, c'est la promesse. Ce n'est plus ici al-wa'id qui est donc la menace, ici al-wa'd qui est la promesse. Al-wa'd, la promesse. Et donc, lorsqu'on dit al-wa'd, c'est donc la promesse et c'est la bonne annonce. Ici, ça contient en fait, le terme va comprendre en fait une bonne annonce, une promesse. Et cette promesse-là, elle est faite à ceux qui vont suivre le bon chemin, c'est-à-dire les croyants. Al-wa'd wa at-targhib. At-targhib, ici, mais non, c'est le fait, au contraire, c'est le fait de motiver les gens dans le bien. Le fait de motiver les gens dans le bien. Donc c'est la motivation, c'est une motivation dans le bien, bien sûr. At-targhib, at-targhib. Donc on voit, je répète, ces deux termes qu'il faut apprendre au niveau de la langue arabe et qui vont beaucoup revenir au niveau de l'emploi, non, c'est-à-dire l'emploi qui est fait par les savants. Al-ward, ou at-targhib, al-ward, qui est la bonne annonce, ou qui est bien sûr la promesse faite, ou at-targhib, qui est le fait justement de at-targhib, qui est le fait de faire de motiver les gens dans le bien. Et ensuite al-wa'id, qui est bien sûr maintenant le contraire, totalement le contraire, qui vient en opposé au terme al-wa'd, al-wa'id, et qui est en fait la menace. Ou at-targhib, bien sûr qui vient muqabil at-targhib, et qui est at-targhib, qui est bien sûr le fait de faire peur. C'est avec les versets qu'Allah Azzawajal va mettre en évidence, des versets qu'il va exposer pour faire peur à qui ? Pour faire peur aux gens, de ne pas tomber dans le coufre. Ou pour faire peur à ceux qui sont déjà dans le coufre, pour qu'ils reviennent dans la foi, et pour qu'ils reviennent sur le bon chemin. يقول الشيخ وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم الجمع بين ذلك في آية واحدة أو آية أو أكثر أو أكثر ليعبد المسلم ربه جامعا بين الرغبة والرهبة والخوف والرجاء كما قال بعض أهل العلم عن الجمع بين الخوف والرجاء إنه كالجناحين للطاهر إذا كان سليمين سهل طيرانه وإن اختل أحد الجناحين لم يحصل منه الطيران. طيب le chien en fait il nous explique ici que ça en fait c'est un procédé du Coran, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran beaucoup. Cela va arriver dans un seul verset, cela va arriver dans deux versets, c'est-à-dire deux versets qui vont se suivre, et c'est le cas du verset qu'on a, ou aksar, c'est-à-dire dans plus de deux versets. Donc ce soit dans un verset, contenu dans un seul verset, contenu dans deux versets, trois versets et au-dessus. C'est tout simplement le fait que Allah Azza wa Jalla rassemble بين الوعد والوعيد وبين الترغيب والترهيب. C'est-à-dire qu'il rassemble, entre quoi la menace, ou on va dire le wa'd wa al-wa'id, qu'il rassemble entre la bonne annonce, entre la promesse et la menace, la mauvaise annonce. Et qu'il rassemble entre at-targhib ou at-targhib, c'est-à-dire le fait d'appeler les gens au bien, de motiver les gens au bien, ou at-targhib, le fait de les effrayer, de leur faire peur. Donc, on voit que ça, c'est un procédé qui est utilisé beaucoup dans le Coran. Yaqul wa kathiran ma yati fil Qur'an al-Karim. Al-Jam, c'est-à-dire le rassemblement entre ces deux, Al-Ward ou Al-Wa'id ou Al-Targhib ou Al-Targhib. Et il nous dit la Hikmah, c'est-à-dire quelle est la sagesse dans cela, et ça c'est un des trésors du Coran, c'est en fait pour que le musulman il adore Allah Azza wa Jal, afin que le musulman il adore son Seigneur, tout simplement en rassemblant, c'est-à-dire en rassemblant la promesse et en rassemblant la menace. Donc, ce qui va avoir pour natija, ce qui va avoir en fait pour résultat, la peur et l'espoir. La peur et l'espoir. Donc en fait, on voit ici que le terme al-khouf, qui est utilisé par le shirk, va être proche, va revenir au terme ar-rahba. Ar-rahba. Et donc ar-rahba qui vient bien sûr aussi, qui vient du, ou qui est ar-rahba, qui est proche du terme at-tarhib, c'est-à-dire at-tarhib vient du terme ar-rahba. Et qui est bien sûr, et le, ça en fait c'est le procédé. Et le natija, c'est-à-dire le résultat de cela, c'est le khouf. Lorsqu'on entend des versets, comme on vient d'entendre, fattaqun nar, c'est-à-dire craignez le feu. Allah Azza wa Jal, il dit, craignez le feu. Allati waqoodouha an-nas wal hijara. Craignez le feu, qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Qu'est-ce qui arrive dans le cœur de lorsqu'il yaqra le Qur'an bitadabbur, c'est-à-dire lorsqu'il lit le Coran, avec application, lorsqu'il lit le Coran en réfléchissant sur le sens des versets, en contemplant, qu'est-ce qu'il arrive? Tout simplement, il arrive dans son cœur al-khouf. Al-khouf min dhalik. Lorsqu'il s'imagine le feu, et lorsqu'il s'imagine que ce feu va être alimenté par les gens et par les pierres, qu'est-ce qu'il arrive? Al-khouf. Al-khouf fi qalbi. C'est-à-dire qu'il va adorer Allah Azza wa Jalla en se rappelant ces versets. Lorsqu'il récite dans sa prière ces versets-là, il se rappelle d'Allah Azza wa Jalla. Il a peur par rapport à cela. Il voit le feu de son côté. Il voit le feu et d'un autre côté, il va bien sûr en voir ce qu'on appelle Ar-Raja. C'est-à-dire quoi? Ar-Raja, Ar-Raja'u, qui est en fait l'espoir. Et cet espoir-là, il va être en fait le résultat lors de l'écoute des versets qui font la bonne annonce. Et le verset qui fait la bonne annonce ici, dans le verset « Wabashiri alladhina amanu ». C'est-à-dire directement après qu'Allah Azza wa Jal a mis en garde, donc c'est une mise en garde ici, une mise en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un rappel de sa menace, directement après, il dit Allah Azza wa bashiril ladina amanu wa aminu salihat, c'est-à-dire fais la bonne annonce à ceux qui ont cru et pratiqué de bonnes œuvres. Et ensuite Allah Azza wa Jal, il va rappeler tout le bien qu'il y aura dans le paradis pour ces gens-là, pour ceux qui auront cru en Allah Azza wa Jal et son prophète, wa aminu salihat, et qu'ils ont bien sûr appliqué cette croyance-là, par les bonnes œuvres. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. C'est-à-dire qu'ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ensuite Allah Azza wa Jal va rappeler dans ce verset-là qu'il y aura bien sûr des fruits qui sont en apparence comme les fruits d'ici-bas, mais qui ont en fait un autre goût, et qui sont des fruits du paradis. Et donc, aucune comparaison entre cela et cela, si ce n'est en fait que dans leur apparence. Et que Allah Azza wa Jal va nous apporter azwajum mutahara, c'est-à-dire des femmes qui seront pures, pures de toutes choses, wa hum fiha khalidun, et ils seront à l'intérieur du paradis. À l'intérieur du paradis, avec tous ces biens-là, ils seront éternellement. Ils seront éternels, c'est-à-dire jamais ils ne mourront. Et que ce bien, jamais, ne s'arrêtera. Subhanallah. Hada wa ar-raja. Ça, en fait, c'est l'espoir qui va advenir lorsque le croyant il lit ces versets du Coran. Lorsque al-musalli, que ce soit al-qari ou al-musalli, que celui qui lit le Coran ou que celui qui prie, lorsqu'il passe devant, en lisant ces versets, il va tout simplement se rappeler d'un côté le feu, et donc dans son cœur va devenir la peur de s'écarter du droit chemin, et d'un autre côté, il va devenir quoi ? L'espoir. L'espoir de rentrer au paradis. En continuant, c'est un croyant, en continuant, en se préservant sur la bonne croyance et en continuant à faire des bonnes œuvres. Donc on voit ici que ça c'est un usloub, c'est un procédé du Coran qui est beaucoup utilisé. Le cheikh va nous donner des versets et on va en citer plusieurs pour vraiment faire prendre conscience de cela et pour se rappeler en fait la sagesse de ce procédé qui est utilisé. Et le cheikh nous dit que certains savants en fait, ils ont, comme on dit, fait une métaphore. Ils ont expliqué en fait que al-khawf wal-raja, c'est-à-dire la peur et l'espoir, c'est quelque chose qui doit être absolument présent dans le cœur du musulman. Pourquoi ? Parce qu'il dit en fait c'est comme deux ailes. Et bien sûr ces deux ailes, que ce soit bien sûr pour le cas de l'avion ou que ce soit pour le cas de l'oiseau, c'est tous ceux qui ont besoin parmi les créatures, qui ont besoin en fait de deux ailes, on voit en fait que ces deux ailes vont représenter al-khawf wal-raja. Donc s'il y a une aile qui se casse ou qui se détériore, qu'est-ce qui va se passer automatiquement ? Eh bien, que ce soit l'avion ou que ce soit l'oiseau, il va tout simplement dévier de la voie droite. Par contre, si les deux ailes sont équilibrées, c'est-à-dire le khawf wal-raja ici, la peur et l'espoir dans le cœur du musulman, alors l'avion ou l'oiseau va bien sûr continuer la direction qu'il a prise de façon droite. Parmi les versets que le cheikh nous a cités, rahimallah, il en a cité plusieurs. On en prend quelques-uns pour répéter en fait et pour mettre en évidence, pour mettre en valeur en fait ce qu'il nous a dit le cheikh. Parmi les versets qu'il nous cite, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ça c'est un verset de sourate al-Baqara, c'est le verset 38 et 39. Le verset 38 et 39. La signification nous dit, descendez d'ici vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Ava, Eshava, Ava Wa'ab. C'est-à-dire ça c'est une promesse d'Allah Azzawajal, que ceux qui suivent bien sûr ces messagers qu'il leur a envoyés, les messagers qu'il leur a envoyés, c'est-à-dire la guidance qui va leur parvenir, ceux qui la suivent, alors ils n'ont rien à craindre. Fala khawfun alayhim. On voit ici le terme employé, fala khawfun alayhim. Ils n'ont pas à avoir peur. Wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Ils ne seront point affligés. Ça c'est al-wa'd. Ça c'est at-targhib. C'est at-targhib. Allah Azzawajal, ici, de par ce verset, lorsqu'on le lit, hein, qu'est-ce que ça nous donne envie en fait à continuer dans notre voie et bien sûr à persévérer. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Directement après ce verset-là, donc ici on voit que c'est dans deux versets, التَرْهِيب, التَرْهِيب وَالْوَعِيد, التَرْهِيب وَالْوَعِيد, التَرْهِيب وَالْوَعِيد. C'est-à-dire que tout de suite après, Allah Azzawajal dit, par contre ceux qui vont mécroire, qui vont mentir ou qui vont traiter de mensonge notre révélation, ayatina, nos signes, ulaika ashabun nar, ceux-là seront les gens de quoi ? Les gens du feu. Umfiya khalidun, ils seront à l'intérieur de ce feu, ils demeureront en fait éternellement. Donc ici, wa'd, ensuite wa'id. Tarhib, ensuite tarhib. Et donc qu'est-ce qu'il advient ? De part ou dans le cœur du croyant, al-raja awalan, et également ensuite al-khawf. Un autre verset qui nous cite le shir. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. C'est-à-dire, puis s'il te traite de menteur, c'est-à-dire le prophète sallam, si puis s'il te traite de menteur, alors dit, votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde. Votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qawmi al-mujrimin. Cependant que sa vigueur ou sa rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. On voit dans un premier temps ici, tarhib, c'est-à-dire al-wa'd wa at-tarhib, Allah Azza wa Jalla nous rappelle le bien que ceux en fait qui ne vont pas traiter de menteurs et vont suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite pour ceux qui ont pour faire un rappel aux croyants et aussi à ceux qui ont mécru, wala yuraddu ba'suhu 'anil qawmi al-mujrimin, c'est-à-dire cependant que sa rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Hadha wa'id wa tarhib. Pour ce verset, c'est le verset 147 sourate al-An'am, les bestiaux, verset 147. Celui d'avant qu'on avait cité, bien sûr, c'était sourate al-Baqara, Et le verset ici qu'on cite, c'est le verset 49, min surat al-Hijr, 49. نأبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. سبحان الله. C'est-à-dire informe mes serviteurs. نأبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. C'est-à-dire informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Et ensuite, هذا هو إيش؟ هذا هو bien sûr الترغيب والوعد. La personne lorsqu'elle lit ça, le croyant lorsqu'il lit ça, lorsqu'il sait qu'Allah عز وجل est miséricordieux, tout miséricordieux, et qu'il sait qu'il pardonne les péchés, alors ça va l'aider, qu'il va essayer de tout faire pour s'arrêter de faire les péchés qu'il fait, de demander pardon et de se mettre sur la voie droite, comme il le faut. Wa anna azabi huwa al-azab al-alim, ici bien sûr al-wa'id wa at-tarhib, al-wa'id wa at-tarhib, c'est-à-dire wa anna azabi huwa al-azab al-alim, c'est-à-dire tout en sachant que je suis le tout miséricordieux, je pardonne les péchés, sache également que quoi, que mon azab, que mon châtiment est un châtiment très douloureux, que c'est un châtiment très douloureux, ayazan billah. Alors ne pas continuer dans les péchés et demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici encore dans un même verset, ou parfois dans deux versets ici, dans ce cas là c'est encore dans deux versets, qu'il y a en fait al-jam'u bayna al-wa'd wal-wa'id wa bayna al-targhib wal-targhib. Et sinon dans un seul verset, fi surat al-ra'd, c'est à dire le tonnerre, qui est le verset numéro 6. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. C'est-à-dire, certes ton Seigneur est celui qui possède le pardon envers les gens à la ظُلْمِهِمْ, par rapport bien sûr à leur injustice, par rapport aux injustices qu'il fait. Allah Azza wa Jalla, il pardonne. لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. Dans le même verset, c'est qu'Allah Azza wa Jalla nous rappelle et nous fait bonne annonce par rapport au zoom, c'est-à-dire par rapport aux injustices que l'on a fait, qu'il est le pardonneur. Donc par rapport à ça, ne pas désespérer et garder l'espoir, ne pas désespérer malgré les péchés qu'on a fait, ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Wa inna rabbaka la shadidu al-iqab, et se rappeler pour ne pas continuer justement dans ses péchés, se rappeler qu'il est la shadidu al-iqab, qu'il a un dur châtiment, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les versets que la plupart des gens connaissent, inna al-abrara la fi na'im wa inna al-fujjara la fi jahim. Ça aussi c'est pareil. Min bab al-jam' bayna al-wa'd awalan thumma al-wa'id. Inna al-abrara la fi na'im. Les bons seront certes dans un jardin de délices. Et ensuite, wa inna al-fujjara la fi jahim. La fi jahim, c'est-à-dire que les libertins seront certes dans une fournaise. Ça c'est surat la déchirure, le verset 13 et 14. Et aussi le verset que la plupart des gens connaissent, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est-à-dire, celui qui fait une bonne action, ou celui quiconque fait un bien, fût-ce bien sûr du poids d'un atome, il verra cette action-là. Hada bien sûr, ici c'est bien sûr At-Targhib. Allah Azza wa Jalla nous incite à faire le bien. Il nous incite à faire le bien, sachant que le moindre atome que l'on va faire dans le bien, on le verra ce jour du jugement. Le jour du jugement, et cet atome de bien qu'on va voir, ça sera un grand bien pour nous, une grande ni'ma et un grand soulagement. Par contre, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. C'est-à-dire, celui ou quiconque fait un mal, que ce soit en fait d'un seul, que le poids d'un atome, alors il le verra, que ce soit d'un poids, soit du poids d'un atome, alors il le verra également. C'est-à-dire que le mal que tu auras fait, les péchés que tu auras fait, tu vas les voir également. Et ça rend bien sûr fi al-wa'id, c'est-à-dire la menace, et de s'arrêter à faire le mal que l'on fait et les péchés que l'on fait. Non. Ensuite, il y a le shir. Et maintenant, après avoir su tous ces versets, et avoir su le procédé en fait, qui est employé ici dans les versets du Coran, c'est-à-dire rassembler les textes qui sont en relation avec Al-Wa'd, avec la promesse, la bonne annonce faite aux musulmans, ou Al-Wa'id, la menace et la mauvaise annonce faite à ceux qui auront dévié, alors il faut savoir qu'à partir de là, le shir, il va en fait nous parler d'un aspect qui est en fait en relation avec la croyance. Yaqul, il a réalisé l'alik min al-ayat, c'est-à-dire après tous les versets qu'on a cités, et que je crois maintenant c'est clair, et à chaque fois que la personne à partir de là va réciter les versets du Coran, que ce soit en récitation libre ou que ce soit durant sa prière, alors qu'il se rappelle cela, et que cela, qu'il contemple en fait les versets du Coran, qu'il réfléchisse sur ces versets, et qu'il se dise, est-ce que réellement moi maintenant, lorsque j'adore Allah Azza wa Jalla, lorsque je l'adore avec peur, et avec espoir, ou est-ce que je l'adore plus avec peur qu'espoir, ou est-ce que je l'adore avec plus d'espoir que de peur? Il faut qu'il équilibre entre ces deux, comme l'exemple qu'il avait donné par les deux ailes, Ar-Raja ou Al-Khawf, Ar-Raja ou Al-Khawf. Et même les savants, et beaucoup de savants disent que ça fait partie min arkan al-ibada, c'est-à-dire parmi les piliers de l'adoration. Et les piliers de l'adoration, il y en a trois. Nazid al-mahabba, c'est-à-dire l'amour que l'on doit avoir. Cet amour que l'on doit avoir en Allah Azzawajal. Donc trois arkan, c'est-à-dire trois piliers qui sont al-khawf, la peur, ar-raja, l'espoir, le dernier al-mahabba qui est en fait l'amour. Naam. يقول الشيخ حفظه الله إلى غير ذلك من الآيات وقد عمل أهل السنة بنصوص الوعد والوعيد فجعلوا مرتكب الكبيرة مؤمنا وناقص الإيمان مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته فلم يضيفوا إليه الإيمان المطلق الكامل ولم يسلبوه مطلق الإيمان بخلاف المرجئة الذين أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد فاعتبروا مرتكب الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة الله المستعان وبخلاف الخوارج والمعتزلة الذين أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد سلبوا مرتكب الكبيرة الإيمان وقالوا إنه خالد مخلد في النار فالمرجئة فرطوا والخوارج والمعتزلة أفرطوا وأهل السنة والجماعة اعتدلوا وتوسطوا وسلموا من الإفراط والتفريط وقد قال الخطابي لا تغلوا في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. طيب maintenant le cheikh va nous parler d'un point de vue bien sûr de la croyance. Dans tous les textes qu'on a vu, le cheikh à partir de là il nous parle et il nous dit en fait que les gens de la sunna et du consensus ont pris en compte non seulement les versets qui sont en relation avec, comme on l'a dit, Al-Wa'd, avec la promesse, ou Al-Wa'id, avec la menace. Avec Al-Wa'id, avec la menace. Et à partir de là, c'est-à-dire tous les versets et tous les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui traitent de ce sujet, Al-Wa'd ou Al-Wa'id, c'est-à-dire la promesse et la menace, qu'est-ce qu'ils en ont déduit, les gens de la sunna et du consensus? Ils ont tout simplement dit à partir de là que celui qui tombe dans un grand péché, c'est-à-dire celui qui a accompli un grand péché, c'est un croyant. Naqis al-iman, mais sa foi naqis, c'est-à-dire est incomplète. Sa foi est incomplète. Naqis al-iman, mu'minan naqis al-iman, sa foi est incomplète. Mu'minan bi-imanihi fasiqan bi-kabirati. C'est-à-dire qu'il est croyant de par sa foi. Et il est pervers de par son grand péché. Fasiqan bi kabiratihi. C'est un pervers de par son péché, mais ça reste un croyant de par sa foi. C'est-à-dire, ensuite, il nous dit le shir, c'est-à-dire que, ici, il va en fait prendre deux termes qu'il faut connaître. Yaqul al-iman al-mutlaq. Al-iman al-mutlaq. C'est-à-dire, la foi complète. Ici, c'est la foi complète. Lorsqu'on dit al-iman al-mutlaq, al-kamil, la foi qui est complète. Celui qui a la foi complète, c'est celui, bien sûr, qui ne tombe pas dans les grands péchés. Et celui, bien sûr, qui, bien sûr, adore Allah Azzawajal comme il se doit. Hada, celui qui a en fait une foi qui va être complète. Et bien sûr, kama ta'lamun, darajat fil iman. C'est-à-dire qu'il y a des degrés dans la foi. Donc, al-iman al-mutlaq, al-kamil, al-iman al-mutlaq, al-kamil, ça ne peut être dans le droit où on ne peut en fait l'annexer dans le droit de qui? Dans le droit de celui qui tombe dans les grands péchés. On ne peut, ça c'est pas possible. Et dans un même temps, on ne peut enlever de lui la foi. Mutlaq al-iman. Donc on voit la différence qu'il y a entre al-iman al-mutlaq ou mutlaq al-iman. Al-iman al-mutlaq, c'est-à-dire al-iman al-kamil, la foi complète, qui est le plus grand degré par rapport à la foi. Ou mutlaq al-iman, ici qui est l'origine en fait de la foi, qui est l'origine de la foi, c'est-à-dire que la personne qui est croyante mais qui tombe dans les grands péchés, il lui reste en fait l'origine de cette foi, mutlaq al-iman, il lui reste en fait sa foi elle reste, mais elle va être diminuée. Donc ça c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus qui voient en fait que celui qui fait un grand péché, il reste croyant de par l'origine de sa foi ou de par sa foi et fasiqan bi kabirati, c'est-à-dire qu'il reste en fait, qu'il est un pervers de part en fait, de part le grand péché qu'il a fait. Et donc c'est pour ça que al-fasiq, lorsqu'on dit al-fasiq, ou qu'on parle bien sûr d'un musulman, c'est par rapport au fait qu'il a fait un grand péché, par rapport au fait qu'il a fait un grand péché. Non. Et ensuite le shir, il va faire maintenant un rad, il va réfuter de par cela et de par le juste milieu sur lequel ont cheminé les gens de la sunna des consensus, il va en fait faire une réfutation sur trois sectes musulmanes qui se sont égarées par rapport à cela, qui sont égarées dans d'autres choses mais qui sont égarées également dans cela, et qui sont al-murji'a ou al-khawarij ou al-mu'tazila. Donc d'un côté al-murji'a et de l'autre côté al-khawarij et également al-mu'tazila. On va voir pourquoi. Al-murji'a, c'est ceux qu'ils ont mis en fait en avant nusus al-wa'd, c'est-à-dire ils ont mis en avant les textes qui sont en relation avec al-wa'd, qui sont en relation avec quoi? Avec bonne annonce, c'est-à-dire la promesse al-wa'd. A'malu nusus al-wa'd, c'est-à-dire qu'ils les ont mis au premier plan et qu'ils n'ont en fait pris qu'elles. Et qu'ils ont délaissé quoi? Ou a'malu, qu'ils ont délaissé nusus al-wa'id, qu'ils ont délaissé en fait les textes relatifs à la menace d'Allah Azzawajal, relatifs à la menace d'Allah. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Ils ont tout simplement dit que celui qui fait un grand péché est un croyant qui a ici al-iman al-kamil, c'est-à-dire qui a une foi qui est complète. Et ils ont dit la yadurru ma al-iman dhanb, c'est-à-dire que malgré tous les péchés que l'on fera, notre foi va rester telle qu'elle, c'est-à-dire qu'elle ne va pas diminuer à cause des péchés que l'on va faire. Kama la yanfa' ma al-kufr ta'a, kama la yanfa' Ma'al kufri ta'a, c'est-à-dire que même avec kamalayan far ma'al kufri ta'a, c'est-à-dire que même une obéissance n'a de valeur avec en fait ma'al kufr. Donc ils ont fait en fait un parallèle entre cela et cela, et donc ils ont dit tout simplement que la personne qui fait un péché, ça n'a aucune incidence sur sa foi. Allah musta'an, aucune incidence sur sa foi, elle reste telle qu'elle est, elle bouge pas, elle reste telle qu'elle est, elle ne diminue pas. Ça c'est quoi? Al-Murji'a. Ça c'est Al-Murji'a, cette Al-Firqa. Ça c'est d'un côté, l'extrême. De l'autre extrême, on trouve qui? Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila. Et eux, ils ont fait le contraire. Ils ont en fait tout simplement pris les textes relatifs à la menace, A'mal Nusus Al-Wa'id, qui les ont mis au premier plan, et ils ont délaissé quoi? Nusus Al-Wa'id. Ils ont délaissé les textes qui sont relatifs à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de là? Ils ont tout simplement dit que celui qui fait un grand péché, alors sa foi, elle part. Bilkulliya, c'est-à-dire qu'il n'a plus de foi. Que sa foi, elle disparaît. Ils ont fait disparaître de celui qui commet un grand péché, la foi de cette personne-là. Et ils ont dit qu'il est dans le feu éternellement, qu'il restera dans le feu éternellement, c'est-à-dire qu'un au kafir. C'est-à-dire que c'est un mécréant, qu'il est devenu mécréant et que sa foi a disparu de par le fait qu'il a fait un grand péché. Ça, c'est la croyance de l'Khawarij. C'est la croyance de l'Mu'tazila aussi. C'est-à-dire que l'Mu'tazila, eux aussi, ils ont dit la même parole, sauf que tout simplement, eux, ils disent Al-Menzila ben Al-Menzilatayn, comme c'est connu de l'Mu'tazila. Ils ont tout simplement dit, eux, ils disent en fait qu'il a, cette personne a une place qui est entre eux, ou un rang qui va être entre la foi et Al-Kufr, entre la foi et la mécréance. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas qu'il est croyant, qu'ils ne disent pas aussi qu'il est mécréant. Il est entre les deux. Mais à la kulli hal, comme Al-Khawarij, ils ont dit que de toute façon, sa foi, elle a disparu. Donc le résultat est pareil. C'est-à-dire qu'ils ont dévié par rapport à cela. Et donc, comme il y a le shirk al-Murji'a, farratu wal-Khawarij wal-Mu'tazila afratu. C'est-à-dire que al-Murji'a, ils ont délaissé. Par rapport à ça, ils ont délaissé donc les textes qui étaient relatifs à quoi? Qui étaient relatifs aux menaces, et Al-Khawarij ont délaissé les textes qui étaient relatifs à quoi? À la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit à partir de là, et ça c'est le cas de Al-Sunnah wal-Jama'ah, fi kulli shay, c'est-à-dire dans toutes les abwa min jami' abwa al-aqidah, c'est-à-dire dans toutes les chapitres et dans toutes les portes de la croyance, les gens de la Sunnah et du consensus sont dans le juste milieu. Bena بين هذا وهذا, c'est-à-dire بين الإفراط وبين التفريط, بين l'exagération et entre le délaissement, entre l'exagération et le délaissement. Ça, les gens de la sunna sont entre les deux. C'est pour ça qu'il dit le shir wa ahl sunnati wal jamaa'a i'tadalu wa tawassatu, c'est-à-dire qu'ils sont sur le juste milieu. Que ce soit par rapport à cette question, la question de la foi, l'iman, que soit par rapport à la question al-qadar, la prédestination, que ce soit par rapport à la question des noms et des attributs, al-asma wa sifat, etc. Dans tout, si maintenant on remarque et on s'aperçoit que dans tous les domaines de la croyance, les gens de la sunna et du consensus sont sur le juste milieu, contrairement aux firaq, contrairement aux sectes. Et ensuite, le shir, il nous cite tout simplement un vers d'Al-Khattabi, rahimallahu ta'ala, yaqul wa la taghlu fi shay'in min al-amri waqtasid. C'est-à-dire, n'exagère pas. Wa la taghlu, n'exagère pas. L'exagération, le roulou. N'exagère pas dans une chose. Yani, min al-amruna amr al-din, c'est-à-dire la religion. Et soit sur le juste milieu, waqtasid. C'est-à-dire, soit sur le juste milieu. Chemine sur le juste milieu, entre eux, ces extrémités-là. Kila tarafay qazil umuri zamimun. C'est-à-dire, les deux extrémités dans la détermination des affaires sont blâmables, zamimun. C'est-à-dire, le fait que tu trouves dans une des deux extrémités, c'est quelque chose qui est blâmable. Que tu sois un murji ou que tu sois un khawarij, c'est blâmable pour les deux. Alors que, waqtasid, c'est-à-dire, soit sur le juste milieu, comme c'est le cas des gens de la sunna et du consensus. Et ensuite, le shir, elle va passer à un autre verset, un autre passage du Coran. On reste toujours, bien sûr, sur surat al-Baqarah. On s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.